93e leçon. Le savoir-faire. Dans son compartiment, M. Delmont attend le départ. Dès que le train démarre, il sort un cigare et il l'allume. Un des passagers dans le compartiment lui dit « Je vous prie d'éteindre ce cigare. Vous êtes dans un compartiment non-fumeur. Sinon, j'appellerai le contrôleur. » « Appelez qui vous voudrez, » répond M. Delmont. Fâché, l'homme part à la recherche du contrôleur. Il le trouve et tous les deux reviennent dans le compartiment. Le contrôleur est sur le point de parler quand M. Delmont lui coupe la parole. « Je vous prie de demander son billet à ce monsieur. » Le voyageur tend son billet et le contrôleur s'exclame. « Mais vous voyagez en première classe avec un billet de seconde ? Venez avec moi, vous aurez une amende. » Quand ils sont partis, un autre passager demande à M. Delmont. « Dites-moi, comment avez-vous su que l'autre n'était pas en règle ?»« C'était facile. Son billet dépassait de sa poche et j'ai vu qu'il était identique au mien. » Exercice. Dès qu'il sera parti, j'éteindrai la lumière. Ma voiture ne démarre pas quand il fait froid. Venez quand vous voudrez. Nous vous attendrons. Il m'a tendu la main et m'a dit « Bonjour ». Quand l'avez-vous su ? Hier soir.